Il y a beaucoup de compétition sur la Terre. Entre les hommes. Et c'est ça qui crée les froissements entre les hommes, et ainsi de suite. C'est très difficile de perdre la vibration de la compétition, parce que la vibration de la compétition est une vibration accumulée, elle est accumulative. Elle n'est pas simplement le résultat de notre vie temporaire, mais elle est aussi le résultat de l'accumulation de nos expériences anciennes. Donc, c'est évident que si l'homme a eu des expériences dans la période romaine, par exemple, s'il a été gladiateur où il y avait une extrême compétition, la vibration de cette expérience demeure dans l'âme, elle fait partie de la mémoire de l'homme. Et elle se continuera, cette vibration, à travers le tempérament et le caractère dans une incarnation future. Dans le passé, les hommes étaient très compétitifs parce que dans le passé, les hommes étaient obligés de dominer constamment leur environnement pour survivre. Donc, la compétition vient du fait que l'humanité, dans le passé, a eu besoin de survivre pour se maintenir en vie. Donc, la compétition, dans le passé, était très importante. Mais comme l'homme aujourd'hui arrive dans une nouvelle phase d'évolution où c'est le pouvoir créatif de sa conscience, le pouvoir de son double sur la matière, dans la matière, éventuellement, l'homme n'aura plus besoin d'être compétitif parce qu'il n'aura plus le problème de survie à vivre. La compétition disparaîtra avec la sixième race. Mais il y aura tout de même de l'enjeu dans certains domaines d'activité humaine. La compétition chez l'homme qui se conscientise sert à faire fâcher l'ego quand il prend conscience. Elle taquine l'ego. Le double se sert de son pouvoir vibratoire d'expression sur l'ego. Il taquine. Alors, si l'ego est moindrement compétitif, l'ego va le taquiner. Il va créer une situation où le double va le taquiner. Il va créer une situation où le double, où l'ego va rencontrer quelqu'un, où la compétition va être un petit peu plus tard. Puis peut-être qu'il va perdre dans le jeu. Il va perdre. Là, ça va le taquiner. Jusqu'à temps que le double détruise complètement l'attitude psychologique de la compétition chez lui. Et l'ego peut souffrir dans la destruction de la compétition. Parce que l'ego, tout de même, se dit tout le temps, « Mais oui, mais je suis intelligent, mais oui, il peut communiquer avec le double, il va y parler même avec le double. » Puis il va dire, « Mais pourquoi tu ne me fais pas gagner? » Le double va dire, « C'est pas le temps. » Puis quand tu te fais dire, « C'est pas le temps » pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, c'est long, c'est pas le temps. Puis quand il n'y aurait plus de compétition, là, à ce moment-là, l'homme devient créatif. À ce moment-là, son intelligence créative est forte. Et là, il peut se servir de l'énergie du double, mais il n'y a plus de compétition. C'est le double qui demeure toujours la partie réelle derrière l'homme. Que tu sois conscient ou inconscient. Si tu es conscient, c'est encore pire parce que tu commences à le réaliser. Donc là, tu peux commencer à souffrir de ta compétition. Tandis qu'avant, tu ne souffrais pas de ta compétition. Tu te disais, elle faisait partie de ta condition psychologique. Ce qui faisait que si tu étais très compétitif, ça pouvait casser les pieds à bien du monde. Parce que c'est pas tout le monde qui est intéressé à être compétitif sur le plan intellectuel. Ou compétitif sur le plan du hockey ou sur le plan des sports. De la même façon que toi. Ainsi de suite. Le phénomène de compétition, c'est ce qui retarde le plus l'évolution psychologique des nations, des peuples. Parce que chacun veut être en top. Chacun veut créer sa pyramide. La compétition entre le Japon et l'Amérique sur le plan d'automobile, c'est un exemple. La compétition restreint le pouvoir créatif d'une civilisation, mais donne aux individus à l'intérieur de cette expression matérielle beaucoup de terrain d'expérience. Mais c'est dans le domaine intellectuel, dans le domaine de la pensée, qu'on est très créatif. Qu'on est très compétitif. Quand tu rencontres deux doctorats ensemble, là, deux étudiants qui ont une maîtrise, là, beaucoup de compétition. C'est le fait de la compétition qui empêche les hommes d'écouter ou de vouloir écouter les autres. C'est le fait de la compétition qui existe dans les couples qui fait que les couples ne sont pas parfaitement réunis dans leur esprit. Une compétition. C'est le fait de la compétition qui empêche un couple d'être totalement unifié. Et c'est assez intéressant parce que dans le passé, par exemple, dans le couple, la femme était beaucoup plus assujettie qu'aujourd'hui. Fait que dans le passé, il n'y a pas de compétition. C'est l'homme qui est renable, c'était final, c'était établi, ça faisait partie des conventions sociales. Mais aujourd'hui, la femme est plus comme avant. Donc, la compétition devient de plus en plus grande. Puis le gars n'est pas habitué à ça, puis il n'aime pas tellement ça. Fait que t'es en train de mari traiter de sa femme de sans dessin, tu sais pas ce que tu parles, parce que c'est une femme. Parce que lui, là, il est plus capable, il est pas capable ou il veut pas vivre de compétition avec sa femme. Ça lui ferait du bien d'en vivre un petit peu. Il y en a qui commencent à manger, là, c'est un... C'est Dieu, c'est rien du mort. Tu vas être tassé par sa femme, là, quand tu pèses 200 livres. Ouais, bien intéressant, comme ça. Il y a un autre aspect très, très délicat de la compétition, c'est que dans la compétition, on a l'impression d'être intelligent. Autrement dit, dans le phénomène de la compétition, il y a un phénomène d'intelligence qui s'extériorise. Donc, on a l'impression d'être intelligent et notre intelligence devient automatiquement compétitive. C'est fatigant en maudit, ça, quand tu couches avec une femme, puis elle a un sabre, puis toi, t'as un couteau. Toujours à couteau tiré au niveau compétitif, c'est fatigant. Et souvent, les gens qui sont compétitifs sont les gens intelligents parce que justement, l'énergie créative passée à travers le corps astral crée ce mécanisme de compétition-là. Le phénomène de compétition, c'est un phénomène d'intelligence. C'est pas un phénomène de stupidité. Il faut être intelligent pour être compétitif. C'est une intelligence qui possède sa propre limite. Et sa propre limite, elle est convenue à l'intérieur de ce mécanisme compétitif-là. Donc, pour que l'homme devienne encore plus intelligent, il faut qu'il perde, il faut qu'il sorte de ce cercle vicieux-là, de la compétition. Là, à ce moment-là, il entre dans une intelligence pure, créative. Il y a beaucoup de choses qu'on réalise dans notre vie. On sait que ça a du bien du bon sens. T'sais. Tu nous dis rien de neuf. Bon, je n'ai jamais rien dit, rien de neuf. Mais j'expose le vieux d'une façon suffisamment présente pour que vous réalisiez que c'est très important de comprendre, de sentir, de percevoir votre compétitivité quand elle se monte la tête, puis mettre le break dessus. Parce que si vous ne contrôlez pas ou si vous ne prenez pas conscience du phénomène de compétition chez vous, avec les années, au fur et à mesure que vous allez vous conscientiser, puis votre système nerveux va s'aiguiser, puis le double va devenir plus présent chez vous, il va venir un point où chez vous, ça va être un vrai terrain de bataille. Ça va être un terrain de bataille. Puis même parce que, naturellement, vous serez plus subtil, vous serez moins brutal dans votre compétition, ce sera dans les mots que s'épuisera votre compétition. Puis laissez-moi dire que c'est fatigant d'être obligé d'ajuster, puis d'ajuster, puis d'ajuster, puis d'ajuster. Moi, j'appelle ça jouer du couteau. Tu sais, tu dis à ta femme quelque chose, puis elle ne répond pas par un autre petit mot. Puis un autre petit mot. Puis tu dis quelque chose, puis elle ne répond pas par un autre petit mot. Puis toi, elle a dit quelque chose, puis tu ne réponds pas par un autre petit mot. Puis toute la journée, là, tu vois là, que c'est un petit tirage de couteau, puis ça passe bien, tu sais. Elle passe en dessous des couvertes. Bien subtil, le coup de couteau. Ça, c'est du vrai. C'est du vrai. Ça, c'est une autre sorte d'art martial. Vous appelez ça, vous autres, s'envoyer des fions. Des fions. Puis il y en a qui s'envoient des fions depuis longtemps. La maison est toute fignolée. Puis les petits, éventuellement, deviennent fignolés. Puis les enfants sentent la petite tension entre le père et la famille. Ils voient les lames passer dans l'air. Puis le bonhomme, il réalise pas que la petite, elle l'a poignée. Puis la bonne femme non plus, elle réalise pas que la petite, l'a poignée. Comme si la petite n'existe pas, tu sais. Puis la petite, elle l'a poignée. Elle est petite encore. Elle est rendue à 15 ans. Elle dit, Chris, vous avez passé votre temps, vous chicaniez, je sac mon camp. Compétition. Elle l'a perçue. Autrement dit, la compétition, c'est le conflit entre deux égaux. Là où il y a compétition, il y a conflit entre les égaux. Alors, s'il y a conflit entre deux égaux dans un couple, c'est évident que si vous allez vers la mutation, soit qu'ils vont, ils vont vous fondre dans une sorte d'unité ou ils vont vous faire sauter complètement. Même si vous essayez de garder l'affaire ensemble, ils vont vous faire sauter pareil. Conflit entre deux égaux. La compétition, c'est un conflit. Quand c'est entre les Canadiens et les Russes, c'est positif. Mais quand c'est entre les Canadiens et les Québécois, les Nordiques, c'est un peu normal. Et la compétition mène à la rivalité. Et deux égaux qui sont en rivalité perdent tous les deux de l'énergie créative. Automatiquement. Parce qu'à ce moment-là, la pyramide est divisée en deux. Ça crée la rivalité. Il y a une compétition qui est saine dans les sports. Puis la compétition en dehors des sports est plus saine pendant tout. Mais un sport est saine, parce que ça prend une certaine énergie. Elle peut aller outre, mais elle est saine, la compétition dans les sports. C'est surtout que les gens appellent ça la compétition. C'est beau, les Jeux olympiques, la compétition. Il y a des guides, là. Il y a des lois. Il y a des sports où la compétition est réellement belle. Dans le basketball, par exemple. Il n'y a pas de brutalité, là. Tu peux pas lui donner un coup de crosse au gars, tu sais. Bon, OK, c'est un petit peu plus sale, la compétition. Mais c'est à peu près le seul domaine de l'expérience humaine où la compétition, elle est bonne. Même dans le domaine de l'industrie, la compétition peut être très, très négative. Il y a beaucoup de coups de couteau là-dedans. Très malsain, la compétition. Quand c'est dans le domaine de l'esprit, là. C'est dur pour l'ego de pas... L'ego qui est moindrement fort, qui est moindrement... qui a certes moindrement une force... C'est dur pour lui de vivre non compétitivement, mais créativement. Parce que ça prend de la patience dans la vie pour vivre, puis travailler, puis rencontrer du monde, puis échanger avec le monde. Quand vous rencontrez des gens pour la première fois, par exemple, on vous présente quelqu'un pour la première fois, le gars, il te connaît pas. Même si t'es bien créatif, t'es bien intelligent, ainsi de suite, il te connaît pas. Fait qu'il arrive avec son bagage personnel, Puis il te met ça sur la table. Fait que la première tendance naturelle, c'est d'être en compétition tout de suite avec lui. Au lieu d'attendre, il laisse vider son sac, il laisse vider son sac. Quand il a bien vidé son sac, à ce moment-là, ben là, tu commences à vider le tien. Mais non, c'est pas tout de suite. Aussitôt que tu as mis son sac sur la table, toi, tu mets le tien sur la table. La compétition commence. Moi, dans mon expérience, je le vis tout le temps, c'est quand je rencontre des étrangers. Ils ne connaissent pas, moi, j'adore Montréal. Ils ont vraiment entendu parler de ça, cette bête-là. Fait que j'attends. En général, j'attends. Moi, j'ai un travail particulier à faire. Je peux attendre. Vider son sac. Tu peux pas assommer le monde tout de suite. Tu les assommes plus tard. Fait qu'il faut pas être compétitif. Ça rétrécit notre intelligence. Ça diminue notre intelligence. C'est définitivement un signe d'insécurité dans l'ego. Si on conçoit l'ego comme étant matériellement insécure, l'ego, il est matériellement insécure. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est l'initiation solaire? C'est la destruction totale et intégrale de l'insécurité de l'homme. Totale, intégrale. Alors, c'est facile pour l'homme d'être compétitif. Il ne faut pas l'être à outrance. Surtout dans nos familles, parce qu'entre vous autres, dans vos couples qui vont vers l'initiation, si vous vivez trop de compétition, vous allez mettre vos couples à terre. Parce que vous, les deux se renforcissent. Priez le bon Dieu de Jésus de Nazareth, qui vous éclaire. Il y a une question qu'il y avait, lui, tout à l'heure, là, concernant un autre topic, un autre sujet. Qu'est-ce que c'était, votre question? Sans question? Prends une cigarette. On fait un export. Bon. Quand cette charte-là a été établie, elle a été établie pour deux raisons. La première raison, c'était pour créer dans le monde que Lucifer connaissait comme étant éventuellement un monde qui lui était dévolu, créer une allégeance à la loi de l'action. Alors, l'allégeance à la loi de l'action dans ces mondes-là, c'est une allégeance qui permet aux êtres qui sont dominés par ces royaumes-là de prendre conscience de la politique finalitaire de ces êtres-là. La politique finalitaire étant une politique qui fait que ces êtres-là, en parlant, établissent la loi de l'involution qu'ils doivent, au cours des grandes périodes de temps, gérer. Dans l'expérience de la liberté qui avait été prônée par Lucifer, il y avait l'expérience du libre-arbitre. Pourquoi le libre-arbitre? Parce que le libre-arbitre permettait aux entités qui vivraient sous cette domination-là de pouvoir, avec le temps, développer une conscience de soi. La conscience de soi étant cette conscience qui, avec le temps, a été donnée à l'homme et qui permettait constamment, d'une façon continue et permanente, à ces forces-là de bien gérer les domaines qui étaient sous leur empire. Parce que dans le phénomène du libre arbitre, il faut voir le phénomène de la culpabilité. Il faut voir le phénomène de la pensée subjective et il faut voir le phénomène du retour au monde de la mort. Et dans ces trois phénomènes-là, le phénomène du libre arbitre devenait nécessaire parce qu'il permettait à l'homme, dans la matière, de considérer le positif ou le négatif afin de développer l'expérience pour le monde de la mémoire. Et ça permettait au monde, à l'homme, ou aux entités ou à la mémoire, en dehors du corps matériel, vivant dans le monde de la mort, de se rappeler le bien et le mal, donc de souffrir dans ce monde-là afin de pouvoir retourner dans la matière. Donc, la liberté que prônait Lucifer était une liberté qui permettrait éventuellement aux individus ou aux agents de se réconcilier avec la mort. En se réconciliant avec la mort, ça leur permettait à eux de mourir, donc de continuer à renaître dans la matière pour recontinuer à mourir pour que le dominion luciférien dure le plus longtemps possible jusqu'à ce que la prise de possession des éthers revienne encore aux forces lumineuses. Dans le nouveau cycle où l'homme ou la liberté est prônée sur le plan matériel comme étant l'ultime réalisation de la part de l'ego en fusion avec le double, l'ultime décision étant fondée sur la conscience de l'ego, c'est-à-dire étant fondée sur le rapport vibratoire entre le double et l'ego, le libre arbitre devenait plus nécessaire parce qu'à ce moment-là, c'est le double qui prenait la relève de l'initiation planétaire. Tandis que dans le passé, ce n'était pas le double qui prenait la relève de l'initiation planétaire, c'était toujours l'âme. L'âme, en prenant la relève, pouvait continuer son exploitation de l'ego afin que l'homme devienne de plus en plus dense. Mais maintenant que l'homme s'en retourne vers des mondes de plus en plus éthériels, il faut que le double reprenne la relève, c'est-à-dire qu'il faut que l'ego, autant il a vécu sous le joug du libre-arbitre, puisse maintenant vivre sous le joug de la liberté, d'une autre sorte de liberté, mais une liberté qui est assujetti à son centre de décision au lieu d'être assujetti à un centre de décision qui est dans un autre plan. Autrement dit, l'ego aujourd'hui qui fusionne, qu'il soit dans la matière ou qu'il soit dans l'éther, est toujours dans l'unité du double. Donc, la décision qu'il prend à cause du rapport unitaire avec le double est toujours une décision libre, c'est-à-dire est toujours une décision qui va en dehors, qui va au-delà des limites imposées à l'ego par l'ancienne convention luciférienne. Et c'est dans ce jeu-là, très délicat, que l'ego apprend à se centrer, c'est-à-dire que l'ego apprend à prendre conscience, c'est-à-dire que l'ego apprend à faire descendre sur le plan matériel et à vivre sur le plan matériel le poids de la réalité qui, dans le fond, est un poids illusoire, mais réel. Il est illusoire parce que l'ego fonctionne de mémoire, parce que l'ego a toujours vécu de libre-arbitre. Donc, l'ego a toujours été assimilé par l'âme. Ayant été assimilé par l'âme, il a été obligé de vivre les conditions de l'âme, exploité sur le plan matériel par la hiérarchie, et il était obligé de se convenir de certaines formes qui font partie de la mémoire de l'humanité. Dans le cycle qui vient, l'ego, à cause de la fusion avec le double, perd son intellect, perd sa mémoire, perd son centre décisionnel égocentrique pour recouvrir l'intelligence, pour recouvrir la mémoire cosmique, pour recouvrir le centre décisionnel, mais qui cette fois ne naît pas de sa mémoire, ne naît pas de sa mémoire d'âme, ne naît pas de sa mémoire expérimentale humaine, mais naît de la mémoire cosmique qui est le double. Donc, la liberté ancienne, la liberté luciférienne, a été pour l'homme une épreuve psychologique, lorsqu'en fait, la liberté vibratoire du double n'est plus une épreuve psychologique pour l'homme, elle est une épreuve vibratoire. Et c'est l'épreuve vibratoire qui amène l'homme à la vibration de la lumière, à sa fréquence, donc qu'il fait passer à l'éther. Comme c'est l'épreuve psychologique qui a ramené l'homme à la forme qui naît de l'astral et qui a toujours demeuré avec l'humanité et qui a toujours enchaîné l'homme dans le cycle de la vie et de la mort. Donc c'est un petit peu ça, la différence entre la charte qui a été établie dans les mondes supérieurs par les forces lucifériennes et qui a forcé l'homme à porter allégeance à cette charte jusqu'à temps que l'homme puisse retourner à la lumière, c'est-à-dire jusqu'à temps que la lumière revienne ou descende sur les plans de la matière et fusionne avec l'ego. Ça marche? Okay. Alors, dans le domaine de la compétition, il y a des aspects qui font partie de la conscience ancienne de l'humanité qui font partie du libre arbitre de l'homme. La compétition fait partie des lois lucifériennes. Parce que la compétition force l'ego à vouloir prendre dominance au niveau de son libre arbitre en mettant de côté le fait que c'est le double qui doit gérer l'évolution de l'ego. C'est avec le double que l'ego doit fusionner. C'est avec le double que l'ego doit vivre. C'est avec le double que l'ego construira des mondes supérieurs, des univers supérieurs. Alors, la compétition, elle aussi, fait partie de toute l'organisation psychologique, psychique des mondes subliminaux qui s'imposent à l'homme par le biais de son mental, par le biais de son émotionnel, pour toujours garder l'homme fermement en relation avec sa matière, au lieu de l'amener à se dissocier de sa matière. Et quand je parle de la matière, je ne parle pas de la matière matérielle, je parle de la matière mentale et de la matière émotionnelle. Alors, la matière émotionnelle, la matière mentale dont est fait l'homme, le force, le retient dans la matière matérielle, donc le force à mourir parce qu'elle lui enlève le privilège de se nourrir d'une énergie qui n'est pas planétaire. Autrement dit, d'une énergie qui n'est pas sous le contrôle de l'astral. Donc, une énergie qui n'est pas dans son origine luciférienne. Il est obligé de se nourrir d'une énergie qui est autre, qui régit le monde inactif. C'est-à-dire qui régit le monde des éthers où la pensée n'existe pas en tant que forme, mais où elle n'existe en tant que forme que lorsque l'énergie a pénétré dans le mental pour faire vibrer le mental et là la créer. C'est pour ça que l'homme n'est pas capable de vivre trop sans compétition ou de ne pas sentir la compétition en lui s'il est moindrement intelligent. Parce que si l'homme est moindrement intelligent, c'est l'ego qui est intelligent. Si l'ego est intelligent, l'ego est luciférique. Parce qu'un ego conscientisé, un ego fusionné, n'est pas un ego intelligent. Comprends-tu, je dis? Un ego, moi je peux pas dire que je suis un ego intelligent. Ça n'a pas de sens de dire que je suis un ego intelligent, puisque je ne suis pas sur le plan matériel. Si j'étais sur le plan matériel, autrement dit, si j'étais dans la conscience vibratoire de mon astral, enregistré dans la mémoire pour le bénéfice de mon émotion et de mon mental, à ce moment-là, il y aurait de l'égocentricité qui prendrait conscience d'elle-même, qui prendrait conscience de la forme, du bien, du bon, du mauvais, du grand, du petit, de l'intelligent ou du moins intelligent. Mais lorsque l'homme est en fusion, il ne peut pas prendre conscience de ceci parce qu'il n'est pas sur le plan matériel, il est en fusion. Ce qui est sur le plan matériel, c'est simplement l'expression matérielle. Le corps, l'enveloppe dont a besoin le double pour se canaliser dans la matière. Mais l'ego lui-même, la réflexion de l'ego, la réflexion subliminale de l'ego, le petit moi de l'homme, qui est en fait une question égoïque, n'existe plus. Alors, dès que la question égoïque centrée sur l'ego, à cause des mécanismes astraux de de l'âme à travers le mental et de l'émotion, une fois que ça n'existe plus, ça, l'ego ne peut plus se penser intelligent. Donc, il ne peut plus être compétitif. Donc, il n'est plus assujetti aux lois luciférienne. Et ça, c'est dans l'expérience. C'est dans l'expérience de la fusion que l'on arrive à réaliser ceci, que l'on arrive à vivre ceci, et qu'on arrive à ce moment-là à pouvoir détruire les lois de la forme qui ont causé les conditions de l'involution pour libérer l'homme de ces lois-là afin que lui puisse prendre conscience de sa liberté, c'est-à-dire qu'il puisse prendre conscience de l'intelligence qui est canalisée à travers lui, mais non pas pour le bénéfice de l'ego, non pas pour le bénéfice du monde de la mort, mais pour le bénéfice purement hiérarchique qui sera constitué au fur et à mesure que les doubles seront réorganisés dans la matière avec les hommes et que les hommes deviendront des êtres subliminaux et que, avec le temps, ces hommes, devenant des hommes esprits, reprennent dans le temps la position que Lucifer et Caligastia ont eue depuis des millénaires. C'est ça qui changera l'équilibre dans le cosmos. C'est ça qui changera la perpétuité dans le cosmos de la présence dans les monde ou dans les planètes architecturales d'un centre de force magnétique qui a maintenu l'univers ensemble et qui a été responsable pour la constitution dans notre galaxie ou dans d'autres mondes de ce qu'on appelle les univers locaux ou les super-univers. Un jour, les super-univers et les univers locaux ne seront plus nécessaires parce qu'il n'y aura plus dans ces éthers-là suffisante égocentricité ou suffisante réflexion ou suffisant rapport de force entre les forces lucifériennes et les mondes inférieurs pour que ces univers-là soient nécessaires. Et dès qu'un univers n'est plus nécessaire, automatiquement, il n'y a plus de force qui ne le retienne. Donc, il n'y a plus de force magnétique, il n'y a plus de force gravitaire. Donc, un jour, la gravité et le magnétisme n'existeront plus. Et à ce moment-là, les hommes esprits ou les êtres fusionnés pourront recommencer à réétudier les lois du magnétisme et les lois de la gravité cosmique pour, au lieu d'en être assujettis planétairement comme nous l'avons été depuis des millénaires et comme les hommes le sont dans d'autres galaxies, au lieu d'en être assujettis à ces forces gravitaires-là et à ces forces magnétiques-là, au lieu d'en être assujettis, ils seront capables de transformer le magnétisme et de transformer la gravité en une sorte de force qui deviendra équivalente à la structure atomique de notre psychisme. Autrement dit, dans les super-univers plus tard, qui seront développés par les êtres fusionnés. Au lieu de créer des planètes qui seront maintenues en orbite gravitairement par des centres comme le Soleil et ainsi de suite, il y aura des effluves d'énergie et c'est à travers ces effluves d'énergie-là que les hommes du temps, parce que ce ne sera plus des hommes de l'espace, ce sera des hommes du temps pourront se déplacer, ainsi de suite. Mais ça fait partie de la fusion, ça fait partie des lois de la fusion, ça fait partie des grands domaines de l'évolution future qui sont connus de qui? Qui sont connus par un très petit nombre d'êtres dans l'univers qui ont déjà rééquilibré en eux-mêmes les conditions de l'évolution. Autrement dit, des êtres qui sont totalement trinitaires, qui sont à la fois volontaires, qui sont à la fois intelligents et qui sont à la fois dans le principe de l'amour, des êtres qui représentent, dans un certain sens, la totalité universelle de ces principes-là. Et ce sont ces êtres-là qui aideront aux évolutions futures à réorganiser la matière des planètes, à réorganiser le champ de force des planètes, à réorganiser les galaxies pour que le monde matériel qui a été créé par Lucifer pour des raisons d'évolution ne serve plus à maintenir dans le statu quo universel des forces très grandes qui seront représentées par les initiés futurs, les hommes, les êtres de lumière futurs ou les êtres qui seront la composante de l'éternelle cosmogonie de la lumière qui est dans le fond l'esprit et la cosmogonie temporaire des ténèbres qui est l'homme égoïque. Alors la fusion de ces deux-là fera éclater les mondes et on entrera dans un autre temps. Alors, c'est là que commence la liberté. La liberté, dans le fond, vue des yeux d'une personne ou d'un homme qui n'est pas assujetti aux lois planétaires ou aux forces luciférienne, c'est un mouvement constant de la conscience atomique qui permet à la mémoire cosmique de constamment se révaloriser devant elle-même. Donc, la mémoire cosmique qui est infinie, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de début et qui n'a pas de terme, cette mémoire-là peut se révaloriser constamment. C'est pour ça qu'on peut dire qu'avec le temps, avec les grandes périodes qui viendront dans l'avenir, Puis ça, je vais en parler, parce que le mot des grandes périodes, quand on parle des éons, par exemple, on parle des éons dans les cosmogénèses, parce qu'on est obligé de parler de à l'homme en fonction de sa capacité de penser. On est obligé de parler à l'homme en fonction d'une mémoire qui est subjective. Mais dans l'éther, lorsque l'homme sera fusionné, l'éon n'existera plus. Quand l'éon n'existera plus, ça veut dire que les grandes périodes des Mahanvantara hindous, ça n'existera plus. Donc, on a été abasourdi, on a été donné de la connaissance qui a tellement affligé l'homme que l'homme a été obligé psychologiquement de retarder son évolution, c'est-à-dire qu'il a été obligé de retarder sa capacité d'entrer en contact avec son double. Pourquoi? Afin de maintenir le plus longtemps possible le pouvoir d'hégémonie des forces luciférienne, afin que l'homme devienne de plus en plus perfectionné sur le plan mental. L'homme aujourd'hui est arrivé à ce point-là. Maintenant que l'homme est arrivé à ce point-là, sa prochaine charge dans l'évolution, c'est de détruire les concepts de temps qui ont été créés par les forces luciférienne pour pouvoir commencer à comprendre que dans l'avenir, lorsque l'homme aura accès à l'éther, il sera instantanément divinisé par l'énergie. Et étant instantanément divinisé par l'énergie, il sera instantanément dans la conscience. Étant instantanément dans la conscience, il aura la mémoire totale de tout ce qui est atomique dans le cosmos. Donc, il pourra instantanément créer les mondes dont il a de besoin pour réorganiser la conscience de la mémoire qui fait partie de son double. Parce que tous les doubles ont la même mémoire. Ton double a ma mémoire, ton double a ma mémoire. Les doubles ont la même mémoire parce qu'il n'y a pas de division entre les doubles, parce qu'il n'y a aucune division dans les mondes de la lumière. Il faudrait expliquer les lois de la division pour comprendre le pourquoi. Ou pourquoi, ou quelles sont les règles qui ont créé la variété, qui ont créé les hiérarchies, qui ont créé les êtres plus grands puis les êtres moins grands, les êtres plus évolués puis les êtres moins évolués. Pourquoi est-ce qu'il y a des êtres plus évolués puis il y a des êtres moins évolués? Parce qu'il y a eu division dans la mémoire. Et la division dans la mémoire, c'est produite dans le cosmos lorsque Lucifer est sorti de ce qu'on appelle la lumière. Je vais m'arrêter parce que ça n'arrête plus ça. C'est ça que je veux dire quand je dis que j'ai pas commencé à parler. Quand je dis que j'ai pas commencé à parler, je veux dire que... Quand je dis que j'ai pas commencé à parler, je veux dire que peut-être je suis le premier qui commence à parler. Il va y en avoir d'autres qui vont continuer à parler. L'homme doit parler. L'homme va parler au cours des siècles. Autrement dit, l'homme au cours des siècles, plus il va être fusionné, sera capable d'aller chercher dans la mémoire, dans la conscience atomique des plans, le matériel dont il a besoin pour dissoudre la mémoire ancienne de l'humanité. C'est ça l'évolution. Et là, la clé d'évolution. Un homme qui dissout la mémoire ancienne de l'humanité, automatiquement s'attaque au monde de la mort, automatiquement s'attaque aux forces lucifériennes, automatiquement se retranche du mouvement de rébellion qui a été créé par les forces lucifériennes et automatiquement retourne au monde de la lumière. Il n'y a plus de fin. Mais l'évolution de l'homme est directement liée à son pouvoir de se sortir de la mémoire planétaire, ou la mémoire interplanétaire, ou la mémoire galactique, pour rentrer dans la mémoire de la conscience atomique. Parce que c'est seulement dans la conscience atomique que la mémoire est totale. Mais la mémoire de la conscience atomique, c'est pas la mémoire luciférienne, elle est pas pareille. La mémoire luciférienne, elle est basée sur le processus de l'involution, c'est-à-dire de la descente vers la matière, les plans les plus bas de l'atome. Tandis que la mémoire créative de la conscience atomique, c'est une mémoire qui se crée instantanément par la conscience créative atomique elle-même. Donc, l'atome est responsable pour la diffusion dans le cosmos, à tous les échelles de la réalité, de sa propre conscience, c'est-à-dire de sa propre éternité, de son propre temps, c'est-à-dire de sa propre luminosité. Donc, la conscience atomique n'a aucune dimensionnalité, n'a aucune forme, et ne peut pas être emprisonnée par aucun temps dans le passé. C'est pour ça que dans la conscience atomique, le temps n'existe pas. C'est pour ça que les éons n'existent pas. C'est pour ça que lorsque l'homme a commencé à vibrer au niveau de la conscience atomique, il n'a plus besoin de mémoire, parce qu'il est mémoire. Comment je dis? Bon. Ah, je t'anime. Quand je dis que la connaissance, l'intelligence, c'est pas de la connaissance. Que de l'intelligence, c'est pas de l'intelligence. Que de l'intelligence, c'est de l'énergie. Que de l'intelligence, si c'est de l'énergie, c'est de la conscience atomique. L'intelligence, c'est de la conscience atomique. C'est pour ça que c'est infini. C'est pour ça que l'homme qui commence à vivre au niveau de cette énergie-là, c'est évident que il n'y a plus rien dans le passé de l'évolution qui ne peut pas défaire. Il n'y a plus rien qui l'intéresse. Il il n'y a plus rien qui l'assujettit, il n'y a plus rien qui le domine, parce qu'il peut détruire toutes les formes anciennes. Il peut les détruire parce qu'il les comprend toutes. Pourquoi est-ce qu'il comprend toutes? Parce qu'il est dans la mémoire de la conscience atomique. Il n'est pas dans la mémoire planétaire ou interplanétaire ou galactique. Le pouvoir psychologique de la cosmogonie d'Urantia dans le monde occidental, c'est que la cosmogonie d'Urantia, pourquoi est-ce qu'elle est plus grande que la Bible? Parce que la Bible, c'est la mémoire planétaire. La cosmogonie d'Urantia, c'est la mémoire galactique. Et l'homme doit sortir de la mémoire galactique pour rentrer dans la mémoire atomique, dans la conscience atomique. Une fois que l'homme est dans la conscience atomique, il n'y a plus rien sur la Terre qui puisse l'impressionner, il n'y a plus rien sur la Terre qui puisse l'instruire, il n'y a plus rien sur la Terre qui vaut la peine d'être vécu, qui vaut la peine d'être connu, il n'y a plus rien sur la Terre qui vaut la peine d'être vécu expérimentalement. Parce que c'est simplement la conscience atomique qui devient le point de référence de cet homme-là, et la conscience atomique organisée au niveau du mental, de l'émotionnel, du vital et du physique, c'est ce qu'on appelle le double. Autrement dit, le double, c'est de la conscience atomique organisée au niveau mental, émotionnel, vital et physique. C'est ce qu'on appelle la fusion. Mais il faut avoir la conscience atomique pour détruire la conscience galactique. C'est évident, tout est progressif. Mais c'est très bon pour l'homme d'avoir au moins accès à une mémoire galactique, dont la cosmogonie. Mais un homme, un jour, l'homme, un jour, devra avoir une mémoire atomique. Ne pas avoir de mémoire galactique. N'avoir aucune forme dans sa mémoire, n'avoir besoin de se référer à rien. Quand l'homme ne peut plus se référer à rien, il se réfère à la conscience cosmique, ce que vous appelez, vous autres, la conscience cosmique. Même ça, il y a des limitations dans la conscience cosmique. Parce que la conscience cosmique permet à l'homme de spiritualiser l'entente qui existe entre lui et les forces luciférienne qui font partie déjà des gouvernements invisibles qui contrôlent l'évolution de la Terre. Un jour, l'homme devra comprendre et comprendra que même la conscience cosmique, ça n'existe pas. Un jour, l'homme comprendra que tous les mots employés sur la Terre sont des mots qui font partie de la convention qui existe entre les forces luciférienne et l'homme planétaire. C'est pour ça que lorsque l'homme sera totalement dans la conscience atomique, il n'y aura plus de communication verbale, il n'y aura plus de mots d'utiliser, tout se fera par télépathie. Autrement dit, par énergie, autrement dit, par mémoire télépathique. Parlez-y avec lui, il va vous expliquer ça. Il en est conscient, il a suffisamment de connaissances, il a suffisamment étudié dans le domaine de la cosmogonie pour donner des bonnes réponses. Quand on parle de l'ego, la compétition de l'ego, quand je dis que c'est subtil, la compétition de l'ego, peut-être si j'avais eu de l'ego, j'aurais dit, ouais, moi, vous me parlez de ça, Lucifer. J'aurais pas eu tendance à dire, mais va voir lui, il va t'en parler, lui. Comprends-tu ce que je veux dire? Parce que l'ego, c'est lui, tu sais. Il va t'en parler de Lucifer, moi. C'est subtil, la compétition. Très subtil, la compétition. Vous parlez de donner, donner, aimer, donner. Il ne faut pas qu'il y ait de compétition quand on aime, quand on donne. Il y a une compétition. C'est la grande centricité de l'art. Fais-tu quand de parler de ça pour ça? Ce qui est de plus intéressant au niveau de la conscience ou dans le domaine de la conscience atomique, c'est que l'ego est totalement libre de savoir, mais il n'est aucunement intéressé à rien. C'est le grand phénomène de la fusion. Autant il a accès à beaucoup de choses, autant il n'est pas intéressé à rien. Il n'y a pas besoin de s'intéresser à rien, tout est là. Il faut qu'il y ait la fusion. Mais c'est bon qu'il y ait des gens comme toi qui s'intéressent à quelque chose pour permettre à d'autres personnes d'emmagasiner de l'information qui sert à un développement.